rédigeant un message à destination de Guillaume Gentel, auteur de Milky Monsters, je me suis rendu compte que j'avais négligé une des règles énoncées par lui. Vous m'aviez d'ailleurs posé la question à cet égard, Mathieu et Gabriel, en partie puis lors du bilan provisoire. Vous aviez évoqué les actions complexes. Le premier qui l'a qualifié de la sorte, c'est Gabriel qui m'a dit « j'ai une double action à envisager ». Mathieu, tu avais aussi envisagé de coupler deux prodiges ensemble. Oui, dû à la restriction de mon point de magie, je n'utiliserai peut-être pas. Et donc, je vous avais répondu « oui, vous pouvez ». Mais de fait, ce qu'il convenait de faire, c'était... je vous avais dit que si vous aviez les outils adéquats ou l'aide nécessaire à entreprendre une action que vous envisagiez, l'action envisagée était considérée comme facile. Et à ce titre, vous utilisiez 2 dés et vous ne reteniez que le résultat le plus favorable pour vous. Oui, sauf que l'action a été difficile, du coup on aura dû tirer 2 dés et prendre le plus mauvais, non ? Exactement, le résultat le plus défavorable dans votre cas. Je suis désolé, j'aurais dû l'interpréter comme cela. Cela dit, vous aviez spontanément lancé sur l'une des deux actions complexes 2 fois les dés. Et je me souviens que vous aviez obtenu 2 résultats et éventuellement bas, genre un 5 et un 3 ou quelque chose comme ça, qui indiquait que vous aviez en l'espèce réussi, hein, l'action complexe, quoi qu'il advienne. Pour l'autre, eh bien, c'est ma mauvaise application de la règle qui est en cause. Maintenant que le mystère est éclairci et corrigé, nous allons pouvoir entreprendre l'épisode 2. Nous reprenons alors que le jeune Oscar s'est assoupi du sommeil prodigieux dispensé par la flèche des ânes. Il est tout recouvert d'un duvet blanc, étrange. Ses cheveux d'un roux flamboyant sont devenus blancs et cassants. Eliphel, dont le prodige lui a permis d'achever sa transmutation en goupil, a de sa truffe humide senti la nature étrange et singulière du charme qui a saisi Oscar et l'a chargé sur son dos après avoir placé son museau. La transmutation en goupil est achevée. L'a placé sur son dos et parti à 4 pattes dans la direction que lui a indiqué Ehan, celui qui se souvient le plus précisément des contes et légendes répandues par les anciens lors des veillées hivernales. Contes et légendes qui disent qu'à la lisière, en périphérie de Ténébreuse, dans une haute vallée, à l'entrée d'un grand marais, dans une côme profonde qu'arrose les méandres de Ténébreuse, se tient l'antre de la sorcière, celle qui connaît simple et autre charme, celle qui pourra lever, dissiper le charme qui est né de la rencontre de la flèche prodigieuse des ânes et de la mère truie qui hantait Ténébreuse. Ténébreuse, 2e épisode. Et même si les pattes d'Eliphel, le goupil, sont robustes, car il a maintenant la taille d'Eliphel, un jeune homme dans la force de l'âge, élancé, c'est bien cela. Mmh. Même donc si les vigoureuses pattes d'Eliphel le Goupil portent le jeune Oscar loin des fondrières où vous vous trouviez en ténébreuse, c'est un paysage de mélancolie qui s'offre à vous. Car vous longez longuement la rivière. Tu es assoupi, Oscar, mais ton esprit vagabonde aux côtés de tes amis, car c'est un songe auquel tu es ainsi condamné. Ton corps ne répond plus à ton vouloir, mais ton vouloir est toujours présent. Ton esprit flotte, court aux côtés du Goupil et du coureur des bois et Anne. Car toi aussi tu es robuste et Anne. Il me semble. Pourtant, la route est longue et vous devez bientôt faire halte. Vous avez de quoi vous sustenter dans vos baluchons. Tu es très lourdement chargé désormais. J'ai des coureurs pour me sustenter. J'ai un gâteau de. J'ai des pommes. Mais toi, tu rêves. Oui, mais il a les pommes qui vous seront nécessaires. Mais qu'est-ce qui pourra sustenter. Le brave Goupil. Est-ce que tu t'éloigneras du bivouac pour aller chasser nuitamment? Non, je mangerai. J'entends pas. Non, je mangerai comme il est tout naturel de manger. Raffoles-tu, toi, Goupil, des pommes et des poires? Ou préfères-tu le cake aux olives? Je n'ai pas de goût prononcé pour ces choses-là. Et toi, Anne, as-tu quelque chose à proposer à Eliphel le Goupil qui puisse satisfaire son appétit? J'ai des poires, mais je doute qu'il se nourrit de poires. Mm-hmm. Et toi? Il a des pommes. Des pommes? C'est tout ce que tu as à manger? Ah non, t'as plus? Je te laisse faire ta fiche, t'es bien désolé. J'ai des navets. Je sais pas si ça lui convient non plus, il faudrait bien manger. J'ai un piège à loup qui pourrait manger. Ouais, non, mais ça c'est pour manger nous, pour qu'on mange les fèves plutôt. Ce qui est pas le but. Alors peut-être pourriez-vous préparer une soupe de navets que l'après. Une soupe d'Eliphel. Que l'après Eliphel le Goupil. Sinon, c'est réversible l'effet de ce charme. Il faut que tu songes à quitter ton état de Goupil. Eh bien, est-ce que tu as. J'y pose une poire. On a le désir, est-ce que tu en aimais le souhait? Parce que être Goupil dans cette forêt. C'est peut-être éloigner les plus mauvaises augures par ta présence et dissuader les plus petits prédateurs de venir vous chercher noise. Bien, soit, même si. J'ai là une aisance que je ne pourrais retrouver. Il est apprécié mes envies pour subvenir à mes besoins. Et ainsi, je ne souhaite plus être une étoffe de poils drus et roux, mais retrouver là l'étoffe d'un homme. La parole est reine aussi. Et puisque tout est lié en ce monde, tu peux recouvrer ton corps, réinvestir celui-ci dans sa plénitude. Et à presque nuit, vous pouvez bivouaquer paisiblement et vous sustenter de vos provisions. Alors vous choisissez parmi votre inventaire, l'inventaire des trois, celui que vous entamerez et qui constituera votre repas du soir. Je vais sacrifier les poires si vous voulez. Très bien. Je prends les pommes. Mais il y a besoin d'en prendre qu'un seul. Voilà. Oh. Donc je raille les poires, on est d'accord? On considérera, et si vous en êtes d'accord, puisque l'esprit de notre ami Oscar vagabonde, qu'il est parmi les convives. Oui. Et que vous pensez bien à lui en mangeant, et que vous mangez peut-être plus que de raison, et que vous mangez à vous en faire péter la panse pour assurer que votre ami et son content. Lui aussi. Vous rejoignez votre ami dans votre sommeil et prenez-vous le soin d'un tour de garde. Tu veux se faire un tour de garde ? Non. Je pense qu'Eliphel aura été éreinté par la course qu'il a menée le reste de la journée. Je passerai pas du long, donc tant pis, il n'y aura pas de tour de garde. Oui, c'est ma tante. Plantez ma tante. Vous abritez sous sa tente. Oui, mais une tente, vous en profitez. Et vous partagez son sac de couchage et tous ensemble vous vous réchauffez auprès de lui. Vous avez fait un petit feu pour dissiper les ténèbres. Je sais pas, tu veux en faire un, toi, de petit feu ? Non, cela éveillerait. Donc sans petit feu. Un petit feu. Et donc vous avez bien besoin de la chaleur de vos corps partagés, la chaleur partagée, pardon, de vos corps, pour lutter contre la rigueur de la nuit en pluviose. Pourtant, la pluie est absente de la nuit, seule l'humidité vous cueille au matin, avec une rosée particulièrement vive et... acide, vous réveillez tout frigorifié. Les lèvres d'Oscar sont toutes bleuies. Intérieurement, tu frissonnes. Ton esprit frissonne solidairement avec son corps jeté en pâture de cette terre de ténèbres. Mais vous avez de quoi vous réchauffer et préparer une bonne soupe, une soupe de navet, pour dissiper les frimas du matin. Toutefois, il vous faudrait alors faire un feu. Faites-vous un feu, mes amis. Le matin. Le matin, oui, il n'y a pas de risque. Enfin, je sais pas pour toi. Eliphel, es-tu d'accord pour que vous prépariez une soupe qui vous permette à tous de vous agir? Ma foi, oui. Tentez-vous de faire boire la soupe à votre ami Oscar? Je tente de le réveiller. Tu parviens pas à le réveiller, mais tu peux lui humecter ses lèvres dans la soupe chaude. Allez. Et son corps endormi engloutit un peu de celle-ci. Alors, j'ai une idée, c'est on a la soupe. Et on lui met sur les lèvres, et puis comme ça, on continue, et ça va pas rentrer. Ça... Quitte à avoir des solutions non, bizarres. Non, c'est comme ça. C'est une soupe relativement épaisse, riche des bons navets glanés de Libre-Bourg, et que vous avez porté sur vos dos respectifs. Alors, je vous laisse le soin de cocher... les éléments que, dont vous êtes servi, donc... je raillais. Voilà, c'est ce qu'il convient de faire. Moi aussi. Ouais, tu railles navet, puisque les navets ont été utilisés. Moi, rien n'a été utilisé, donc... Réchauffé, vous pouvez reprendre votre route. Et vous cheminez loin des centres marchands de... qui mènent à Libre-Bourg. Sur vous récupérez votre tente, oui. Il récupère ta tente, oui. Maintenant, tu es porté par le rude gaillard qui est Eliphel, qui te porte toi et ton barda, et Anne se chargeant de ta lance. Ouais. C'est ce qui avait été précisé la veille. Vous avancez progressez relativement lentement dans la matinée. Une matinée pâle et déserte où, dans un premier temps, la lisière se clairsème, les herbes drues s'imposent et éloigne ce faisant les arbres sombres qui constituent la forêt ténébreuse. De grandes herbes vivaces, rétives, ployées sous votre pas. Vous progressiez ainsi. Dans le jour frais, vous éloignant dans un premier temps de la lisière, puis vous gravissez un éperon qui domine la combe où vous souhaitez aller, suivant un vieux chemin, une sente oubliée qui menait vers ses hauteurs, vers une ferme de hauteur, plus qu'une ferme, probablement un endroit où abriter le bois de bûcheronnage et où on allait autrefois, avant que Ténébreuse n'envahisse les terres, où l'on menait autrefois les vaches sur les grands herbages que vous avez traversés auparavant. Mais là, en contrebas, c'est un tout autre paysage qui s'offre à vous. Des méandres innombrables de la Ténébreuse envahissent la combe, forment un lacis de roseaux et d'étendues d'eau de tourbe parsemés de bosquets de petits bois qui s'emploient à gagner sur les eaux ou que les eaux ont peu à peu noyé. C'est difficile à dire, les deux éléments sont en lutte. Le chemin s'enfonce et longe le cours d'eau. Et vous trouvez bientôt là où le chemin s'arrête, à un endroit qui fut autrefois un gué. Une barque échouée, envasée. Une barque à fond presque plat, toute vermoulue. Utilisez-vous cette barque pour vous porter sur les méandres de la Ténébreuse ou traversez-vous à gué pour vous enfoncer directement dans le marais? Empruntez-vous la barque ou traversez-vous à gué pour vous enfoncer dans ce vaste marécage plus avant? Personnellement, je constate l'état de la barque pour voir si elle paraît stable. Alors, on va se déterminer en fonction de ton caractère malin. C'est normal, ok. Oui. 15, j'ai 16, ça passe, pas tout juste, mais presque. Attends, pardon. Ouais, ah bah j'ai 16, carrément. J'ai eu 15 devant. Ouais, ça passe tout juste, du coup, je crois. C'est inférieur. Ah, zut, bon, bah tant pis. Donc, l'examen de la barque te laisse présager qu'elle est, moyennant quelques petits travaux, elle pourra reprendre le cours de l'eau. Et ça soulagera probablement les épaules moulues de votre ami Eliphel. Du coup, je m'y attelle. Je suppose que tu l'aides. Oui. Donc, il vous faut vous assurer de l'étanchéité de celle-ci. Effectivement, il y a quelques endroits où l'eau s'engouffrerait sans coup férir. Vous glanez quelques... Vous pelez quelques troncs de bouleau pour assurer un radou rapide. Vous durcissez le bois à la flamme et... tu as du charbon, je crois. Non, c'est Gérald qu'on a, je crois. Tu as du charbon ? Non, en tant que nappe, je pense qu'on va aller. Voilà, donc tu peux le cocher, tu le réduis un peu et vous assurez. Fait une espèce de poids, de substance. En mêlant les eaux de Ténébreuse au charbon dont tu enduis ensuite la coque. Vous la laissez sécher non loin d'un feu de brindilles et de broussailles. Et en fin de journée, après ces rudes travaux, vous serez disposé à reprendre votre route à Prescope dès le lendemain. De quoi faites-vous votre repas du soir? Vous mangez les pommes de votre ami? Oui. Les précieux. Vous avez épuisé toutes vos provisions. Non. Il vous reste le cake pour le lendemain matin. Donc vous vous installez sous la tente comme la veille, vous serrez bien les uns contre les autres, vous dispensez du feu pour ne pas attirer les créatures éventuelles. D'éventuelles créatures, effectivement, et vous... Qu'en est-il de cette nuit? Je vais demander... à celui qui a le plus haut score de charmeur. Mmh. lancer le dé. Ça passe. Et vous passez une nuit qui compense l'âpreté du jour. Une nuit fraîche, froide même, qui emporte vos rêves vers quelque chose de sombre. Vous sentez une présence qui s'approche de vous, mais ce n'est que le rêve, vous en avez conscience. Cette présence est froide. Vous sentez des écailles comme celles de la couleuvre qui se coule au printemps dans les champs. Mais ce n'est pas la couleuvre, il en est tout autrement. Et les couleuvres ont depuis quelque temps été chassées à mesure que Ténébreuse s'étend. Le gibier s'est éloigné, la faune s'est trouvée toute altérée et transmuée. La chaleur s'est installée, les hivers se sont faits moins rigoureux et de plus en plus pluvieux. Comme si ce marais que vous visitez était l'avenir promis à Librebourg dans quelques générations. Vous êtes reposé, vos corps sont reposés, mais votre esprit est aux aguets et votre ventre crie famine. Et le cake aux olives de d'Eliphel est bienvenu au matin pour vous donner des forces. Vous conférer les forces nécessaires à la poursuite de votre voyage. Votre périple reprend donc sur le cours de Ténébreuse. Vous êtes bricolé des perches la veille pour diriger votre embarcation. Le cours est plutôt indolent, ce qui pourrait paraître surprenant pour une rivière de montagne, mais ici, ce n'est plus la rivière, c'est la tourbière. Une tourbière au fond de plus en plus nombreux, et à maintes reprises, vous vous trouvez envasé là où vous pensiez que la barque passerait allègrement. Le fond est tout proche et vous y distinguez des tas de formes. Cela grouille d'une vermine autre que celle des seuls poissons auxquels vous vous êtes accoutumés sur le cours de votre rivière bien-aimée. Est-ce que vous songez à harponner, pêcher les plus gros silures que vous entrapercevez les gros poissons-chats. On n'a pas rien à manger, donc oui. Oui, je fais de même. Alors, qu'as-tu pour pêcher le silure, Eliphel? Il me semble pas que dans ton inventaire, tu aies ce qu'il te faut. En revanche... Moi, j'ai sa lance. La lance, compte tenu de la taille des créatures, oui, pourrait être... Je me vois mal pêcher à l'arc. Pêcher à l'arc Ça permet la promptitude à ton choix. Soit tu utilises la lance au risque de la perdre dans les eaux. Vaut mieux que je passe la lance Eliphel. Après, tu peux défaire en partie ta corde et puis justement que ça te sert de... Ouais, mais bon, si c'est pour avoir une corde flinguée, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, en soi, tu peux la remettre de tes flèches pour dans l'espoir de... Et tu vises la tête, je suppose. Non, je visais la queue, logique. Donc oui, je visais la tête. Alors, je vais pas préciser sous quel... Tortue, je sais pas, j'imagine que c'est oui, malin ou costaud. C'est malin. Ok, bah dans tous les cas, ça passe. Même si c'était défavorable, ça passait. Et on va, pour la forme, demander à Eliphel... Ouais, bah pour savoir si on a deux rations en soi. Hop. C'était censé être dans quelle compétence? C'est dans la compétence costaud. Ça passe. Donc tu harponnes un formidable silure qui affleure... les os qui étaient en maraude, sa gueule est immense, il est de ta taille et même un peu plus grand. Tu peines à le hisser à bord. À n'en pas douter, vous aurez, après l'avoir fumé ou et vidé, vous aurez de la chair pour quelques jours encore. Tu jette ton dévolu non pas sur l'un des silures indolents, mais sur une un poisson dont tu as dont la forme te rappelle celle de ta rivière bien aimée, ceux qui errent dans ta rivière bien aimée, mais lorsque tu le sors, il a un aspect bien différent. Ses écailles forment presque une plaque osseuse autour de la tête. Et tu es très dubitatif sur le caractère comestible de ta pêche. Le rejettes-tu à l'eau ou le préserves-tu pour... Je le préserve, mais on peut en tirer quelque chose. Quelque chose. Il vient rejoindre le silure qui a tôt fait de s'époumoner et de périr à bord de votre esquif. Vous reprenez le cours de votre périple sur le cours indolent de Ténébreuse. Et vous abordez pour une nouvelle nuit la berge. Comment tenez-vous le bivouac avant la nuit? Établissez-vous un feu pour vider le silure et en cuire les chairs? Oui. L'odeur est assez répugnante, ça sent la vase et une vague odeur de charogne. Peut-être sont-ce les roseaux tout autour qui dégagent cette odeur. Au-delà des roseaux, il y a une espèce de terre-plein herbu avec de grandes lèches étranges qu'adorent les aurochs dans les combes que vous connaissez. On dit que ces herbes sentent mauvais. Tu as un doute et tu ne saurais déterminer si l'odeur de charogne provient à proprement parler des chairs du silure. Te faudra goûter pour te fixer. Mangez-vous du silure ? Le silure, oui. Vous réalisez un test sous costaud en facile. En facile. Chacun. Qui marche. Avec le mieux. Ça marche. Le meilleur. Moi non, avec cas, ça marche. Et tu le fais aussi pour toi parce que tu manges à travers nous. À travers eux. Ils ont grand faim. Ils ont ta faim en plus de la leur. 19. Ah ah. Ça passe pas. Non. 19 et quoi ? Et 20. Donc tu vas perdre un point de vie. C'est vrai ? Ouais. Non, c'est faux, c'est pour ça qu'il te le dit. Donc ton score, c'était... C'était 3. Donc tu passes à 5. 5. Alors ça passe à 4. Point de vie. Yo, yo. Marais prend le dessus et envahit tout votre horizon, tout votre paysage. Il y a d'innombrables volatiles, insectes qui bruissent, qui tournent tout autour de vous. Leurs voix retentissent tout le jour et fatiguent vos esprits, y compris le tien qui pourtant est assoupi, Oscar. Il semble vouloir vous murmurer que ce pays est différent de celui que vous avez quitté, que vous êtes entré dans un étrange domaine, un domaine singulier où les prodiges et la nature surmontent tout. Goûtez-vous aux silures ? Ah, on avait déjà dit quoi ? Oui. Cela... La chair est quelque peu élastique, résiste sous la dent, mais elle est roborative. Et vous rêvez encore de cette étrange présence ophidienne, serpentine, qui s'insinue et se mêle aux voix qui, toute la journée, ont retenti dans vos esgourdes, les voix des insectes et des oiseaux mêlés, des corbeaux. Des corbeaux, ça te rassure, Ehan, car c'est le signe qu'ont donné les anciens, c'est le signe auquel s'est ralliée la sorcière. Au matin, vous mangez encore du silure ? Vous réchauffez un peu de soupe ? De poisson ? Oui. Et vous reprenez votre route, votre navigation dans ces terres singulières, étrangères, déserté par l'homme. Il n'y a nulle trace, nul vestige de son occupation. Il vous faut attendre que le ciel darde au plus haut dans le ciel, que les nuages qui auparavant s'étaient amoncelés annonciateurs de ces pluies diluviennes de la saison se dissipent enfin pour que un soleil froid inonde la grande tourbière et alors vous apercevez les premiers vestiges ou les premières traces d'occupation, des cabanes de roseaux disséminées au loin dans des bras morts de la rivière. Et au loin, droit devant, dans l'axe principal du méandre de ténébreuse que vous suivez, dans le piaillement incessant des insectes, des corneilles, des freux mêlés. Curieux que ceux-ci ne dévorent pas les moustiques et les moucherons qui sans cesse vous assaillent. Il y en a tellement, ils pullulent ici. De même que la terre est gorgée de gros lombrics gras et les herbes ont une verdeur une vigueur à pousser sous le soleil pâle. Vous parvenez enfin à un ressaut, un saut qu'affecte le cours du méandre pour déboucher sur un grand village, un immense village au creux de la combe, dissimulé à la vue dans un bosque, un amoncellement d'arbres, par un amoncellement d'arbres de grands saules vénérables aux dimensions gigantesques. Dans cette espèce de crique où l'eau se meurt, de part et d'autre, enjambée par un immense pont de liane qui rejoint les deux rives escarpées, une ville à moitié sur les eaux et à moitié sur un îlot au cœur du méandre, une ville de pilotis, une ville de roseaux, une ville gagnée sur la roselière qui tout entière a envahi ce que vous connaissez de la Ténébreuse. Et toi, tu sens la présence qui était en ton rêve. Tu sens la présence, tu sens une fin qui te souffle sur la nuque, un grand froid. On avertit-tu tes camarades ? Oui, mais je dors. Mais ils entendront ton cri, à n'en pas douter. Penses-tu qu'ils entendront ton cri ? Oui. Alors, tu me fais un jet facile sous charmeur. Cinq. Ça veut dire que tu es en train de nous draguer ? Ça passe parce que j'avais un 5. Oui, tout à fait. J'avais un 21. Ah non, il n'y a pas 21, et t'avais un 12. Donc dans les deux cas, ça passait. Oui. Et donc. Un des 20, j'ai fait 21. Sur 11. Oui, c'est parfait. Je pensais que t'avais réussi à faire. Puisque le 5 est inférieur à ton 11, tu parviens à outrepasser le charme de tes camarades, mais ce faisant, tu perds un point de magie. Tu n'as pas de prodiges en stock, mais tu peux trouver des artefacts qui te dispenseraient des prodiges. Vous êtes donc averti, et c'est sans surprise que vous voyez surgir des flots un immense crocodile à la mâchoire pleine de dents. Secret de rien du tout, parce qu'elle n'est pas secrète, elle n'est pas technique, elle est rien. La fuite. Les deux pattes antérieures de la bête sont posées sur l'avant de votre embarcation, ils l'ont immobilisée. Quand bien même le cri de votre ami vous a attiré votre attention et vous avez eu l'image d'un froid serpent qui venait vous mordre la cuisse, vous avez entendu le « Attention !» d'Oscar. Et vous voyez les yeux jaunes vous contempler et la gueule s'ouvrir sur des dents et une haleine fétide. Esclave, que venez-vous faire en domaine de Marcrancran? Quelle offrande, quel obole consentez-vous au maître Ophidien? Je sors le poisson étrange que j'ai pêché et je le pose devant lui. Le sélaconte ici à mon palais. Passe, petit homme. Je le passe. As-tu qui? Quelque autre nourriture pour ravir mes papilles? Ce petit homme peut-être? Ce petit homme n'est malheureusement pas... Oscar de la vallée de Dibrebourg. Il n'est malheureusement pas à consommer. J'en suis fort triste. Tu m'envoies Marie, Marot. autre à m'offrir. Peut-être ce vieux silure tout mâchouillé par les eaux de ténébreuse. Si vous le souhaitez, prenez-le. Agrémente-le des quelques miettes de cake qui sont dans la gîtière d'Eliphel. J'adore aussi les olives. J'ai grand faim. Satisferez-vous ma faim? Et Anne, de Libre-Bourg? Je vais effectuer ce que vous m'avez demandé et j'attends, je sais la corde avec les quelques restes d'olives. Vous pouvez passer. Et puisque vous avez été prodigue avec les seigneurs des eaux, ne sois pas dit que nous serons en reste. Il ouvre la gueule et un corbeau vient picorer les restes enchâssés entre ses crocs. Je ferai bien un petit somme. Le corbeau s'éloigne. Suivez le corbeau. Il vous mènera à la sorcière que vous cherchez. Bonne nuit, monsieur. T'entends pas. Hein. Que ta nuit soit brève, Oscar. La tour n'est pas la tour. C'est un saule. Il relève ses pattes de votre embarcation et vous reprenez votre périple. De fait, l'oiseau se perche régulièrement aux abords comme s'il vous attendait, guettait votre regard. C'est un oiseau singulier. C'est un corbeau ou un freux. Il est petit, mais il a l'œil vif et son regard se porte régulièrement vers vous. Lui, il n'a pas ôté, non. Et finalement, il vient se percher sur la barque. Il reste quelques instants, puis il s'envole à nouveau sur la berge. Son croassement retentit et il s'en va à petits pas sur la berge escarpée, semblant vous indiquer qu'il vous faut là accoster. Suivrez-vous le conseil du corbeau? Oui. Ou de la corneille ou du freux? Vous n'êtes pas très versé dans l'art des oiseaux. C'est un choix cornélien. Peut-être que le seigneur de Morgre n'est pas celui qu'il paraît être. Mais toujours est-il qu'en accostant et en grimpant, gravissant l'éminence, vous apercevez au loin ce qui pourrait être une tour perdue dans les brumes vaporeuses de la tourbière, mais qui bientôt se révèle être un immense saule, un arbre avec qui pousse au bord de l'eau. Mais là, il est curieusement isolé. Il y a une dépression, ce qui a dû être une grande fondrière, un trou d'eau vaseux. Mais la vase a depuis longtemps séché. Le sol y est tout craquelé. Et le bas de l'arbre, là où ses racines sont les plus noueuses, est creux. Et ménage comme une petite ouverture, et à cet endroit, l'eau s'y est amoncelée et forme une petite mare. dans la mare, il y a une espèce de ponton avec une tente faite de vieilles nippes, de vieux lainages, de vieux tissus lavés par les ans, usés par les eaux. Et sur ce ponton se tient une femme sans âge, avec de grands traits noirs charbon qui soulignent ses yeux. C'est le docteur. Tu l'as peut-être trouvé, la sorcière. Que venez-vous faire en mon domaine, vous dit-elle. Nous venons là. Le corbeau a rejoint un autre corbeau qui est perché sur l'un des... l'un des piquets qui soutiennent l'espèce de d'arbre à loc qui constitue sa tanière, son repère. Nous venons là nous venons là en paix. Nous cherchions toujours en les terres de ce bois un roi égaré du nom de Léon. Mais là n'est pas notre requête. Léon est au fond du bidon. Nous vous en demanderons plus quant à lui un peu plus tard. Je me permets d'exposer ce qui s'en est suivi. C'est l'un des deux Corneille qui a dit cela. L'autre Corneille le reprend. Ne leur dis pas tant. Malheureux. Mais lorsque, dans notre sillage, nous sommes entrés dans le bois, nous avons rencontré là une bête des plus affreuses. Qui, en plus de connaître nos noms sans qu'on ne lui ait rien de... et celui de mon jeune ami, s'est décidé à ne faire qu'une bouchée de lui. Ainsi, nous avons dû mener là un combat pour une lutte face... Babylone, vous auriez terrassé Pigasus. Il s'agissait d'un... Aura-t-il son envol ? Il s'agit d'un sanglier mastodonte qui a voulu par la suite me charger, mais qui a rencontré... Vous entendez la voix d'Oscar, ce que tu dis ? Tes compagnons l'entendent. Dans ton sommeil, tu assistes au conclave. Donc, je reprends. Cette lutte, nous l'avons menée, et malheureusement, il est un lésé en l'affaire. Il est un des gagnants qui n'a rien gagné, mais tout perdu. J'ai dû faire dodo pendant un moment. C'est mon ami Oscar qui, maintenant, ne peut se défaire du sommeil. Ce qui est assez contraignant, je vous l'accorde. La sorcière s'agite. L'un des corbeaux reprend. Si vous voulez aider notre maîtresse, elle vous aidera en retour. Vous devez terrasser le dentophage et accepter de condamner son ombre. Alors le dentophage relâchera Léon. Ah, le crocodile, c'est le dentophage. Trouvez la tour. entrer en la tour et terrasser le dentophage. C'est qui le dentophage ? Notre maîtresse doit s'assurer de votre coopération sans faille pour défaire le dentophage. Concédez-vous à lui livrer un peu de votre jeunesse pour lui assurer pérennité et longue vie comme il se doit. Oui. Concédez-vous de votre temps et de votre sève pour l'alimenter. Les yeux de la sorcière se confondent avec le noir charbon qui auréole ses paupières. Ses pupilles se dilatent. Pour s'en assurer, vous devez cracher votre sève au sol. Cracherez-vous, jeunes gens ? Tu craches ? Mais tu dors. Oui, je crache. Il se relève. Je crache. Je crache. Et tu te relèves. Le sommeil a été dissipé. Maintenant, vous devez aller défaire le dentophage. Tous autant que vous êtes, vous avez promis sur votre sève. L'un des corbeaux s'approche des crachats et... recueille ceci avidement, goulûment. Et pour répondre à ta question, jeune Oscar, sache que le dentophage est l'ombre du pouvoir de notre maîtresse. Il s'est terré dans la tanière de la vieille tour. Et Léon est dans son bidon. Vous devrez aller l'y chercher. Si vous cherchez Léon, votre roi. Le dentophage a volé toutes les dents des enfants passage de la vallée de Libre-Bourg. C'est comme ça qu'il connaît tous les enfants et peut s'en reprendre. Car toutes les dents lui disent les noms véritables des enfants. Et comme ça, il peut nuitamment aller dérober leur âme et voler leur corps. Est-ce que c'est un crocodile ? Mais non, quelle question ! C'est un dentophage. Il ressemble à quoi ? Vous le saurez bien assez tôt, jeune impudent. Merci. Il étrille son plumage. Merci, monsieur. Où allez-vous chercher la tour ? Dans le ciel. Enfin, on regarde dans le ciel et puis on guide par rapport à ce qu'on voit. Vous avez tout autour ce marais, cette tourbière baignée de brume, au sein de laquelle vous avez trouvé ce saule immense près duquel est abrité frileusement sous ses nippes la sorcière que vous avez dit le seigneur Marcrocroc. Lorsqu'il a relâché la barque, vous souvenez-vous ? C'était en rapport avec la tour. Que ce n'était pas la tour, mais... Alors, peut-être que... tes rêves ont retenu la réponse. Mais là, c'est un jet difficile. Parce que toi-même, tu es baigné dans l'oubli. Donc, tu lances 2 dés. Et tu prends pire. Sur 17. Et donc, malin. Bah, tu prends 17. Bah, je sais pas. C'était le cornouillé. La tour et le cornouillé. C'est ce dont tu te souviens. La tour n'est pas la tour, mais le cornouillé, c'est cela qu'a dit le Seigneur. Et qu'en penses-tu, toi, Eliphel ? Il raconte n'importe quoi, c'est pas ça qu'il a dit. Alors qu'a-t-il dit, si tu t'en souviens ? Je sais. Aurais-tu tout oublié également ? Oui. C'est noyé dans les brumes du sommeil qui s'est dérobé à toi ? Et je n'ai pas sommeillé. Toi, tu n'as pas sommeillé, mais ton enfant a sommeillé. En appelles-tu mais je ne suis... au pouvoir je n'ai des nul rêves enfant. Dans Milky Monsters, l'enfant, c'est la joueuse du personnage. Oui, mais... Et donc, la joueuse, Gabrielle, a quelques heures de sommeil en moins. Donc, je l'autorise à... un jet difficile, si elle le souhaite. Il y a un enjeu, bien évidemment, outre la réponse que je te ferai. Ça va être d'aller faire la vaisselle, c'est ça ? Pardon ? Ça va être d'aller faire la vaisselle. Yes, ah, c'est pas moi. Bien, c'est pour intéresser deux 12. Dans les deux cas, je réussis. Hein ? T'as la pas 12 en malin ? Mais il faut avoir en dessous, hein. Ouais. La tour n'est pas la tour. J'aurais pas mieux réussi, tu vois. Elle est... le sapin. Dans lequel... Le saule. C'est le saule qu'elle avait dit. Les loups-garous se rendorment. Ah non, c'est pas ça. Les joueuses se rendorment. Donc, la réponse se trouve sous vos yeux, juste au-delà du ponton, là où l'arbre s'ouvre sur des ténèbres profondes et des racines entremêlées au-dedans de la terre ténébreuse. Il y a de la brume qui s'en échappe, une brume fétide et verdâtre. Vous risquez-vous à l'intérieur ? Tu pars en tête pour respecter ton serment. T'as peur, tu te tiens en retrait. T'as récupéré ta lance. Tu passes d'abord. Et toi, Eliphel, tu as chargé. C'est toi qui es censé passer devant lorsqu'il y a un danger. Et nous, on te couvre. On a toujours fait comme ça. Et tu le sais. Je suis là-bas, c'est ça ? C'est simplement quelques... Ah, il a pas l'air rassuré, le brave Oscar. Est-ce que tu accepterais de déroger à votre règle des reins et... Non, parce que si diabète et monstre qui risque d'y trépasser, ce n'est pas toi. Ouais. Et moi, je ne pourrais me défendre car j'ai une arme longue à charger et qui nécessite de naître au contact. Ça marche aussi, de naître au contact. Donc tu acceptes de passer devant avec tes deux amis sur tes talons. Ah, c'est pas le courage qui l'étouffe, cet Oscar. Nous avons misé sur le mauvais cheval, mes amis. Oscar fonce dans le tas. Oscar fonce dans le tas. Alors acceptes-tu de passer devant, Oscar ? Oui. Donc, tu avance dans les ténèbres qui sont constituent l'antre. Je sors ma lampe à lui. D'accord, tu allumes ta lampe à lui, qui dissipe légèrement les ténèbres, mais de toute façon, ici, l'entrelac des racines s'est mêlé à la terre et les parois sont comme grouillantes de verre, de lombric, de boue. Il n'y a pas... Il n'y a rien que la terre et la boue. Il faut accepter de marcher, d'enfoncer ses pieds, ses sabots, ses chausses dans la terre. Là, tu vois au sol les traces de chausses laissées par l'Amiléon. Tu en as la certitude. Avances-tu dans la ténèbre ? Alors, tu devras reposer ta lanterne ou la confier à... Mais ils ont les mains occupées, tes amis. Tu tiens ta lanterne d'une main, mais il faudra la lâcher lorsque tu utiliseras ta lance. Ta lance requiert tes deux mains. Peut-être que Eliphel peut tenir son pistolet d'une seule main et brandir la lanterne pour vous éclairer. Ainsi fait. Ainsi font vous progresser dans la boue, vous glissez bientôt pour atterrir sur vos fesses rebondies, Dieu merci, de marche en marche, des marches de pierre qui s'enfoncent au-dedans de la tour, dans une cage de pierre qui s'enfonce dans un immeuble au cœur de la terre, un immeuble sombre, froid. Et vous parvenez bientôt, mais après une lente chute de fesses en marche, de marche en fesses qui ont endolori vos postérieurs, vous atterrissez les jambes devant sans vos précieux artefacts. Ils gisent à côté de vous. Dans votre chute, ils vous ont échappé. Je récupère ta lance. Tu récupères ta lance. Eliphel se saisit de la lanterne et de son pistolet. Notre ami reprend son arc, assure sa prise pour le bander si besoin. Et vous vous trouvez maintenant dans une grande pièce, une grande salle à manger avec des meubles, des vieux meubles qui sentent le gâteau moisi, le vieux, la soupe aux choux. Ils sont gorgés d'odeurs de dépôts successifs. On y a fait beaucoup de... On y a servi beaucoup de repas. Les murs sont presque rendus collants, les murs lambrissés. Ce ne sont pas des murs de pierre. Ils sont tout lambrissés d'un bois, du pain, qui reflète les lueurs de ta lanterne à demi brisée dans la chute. Ta petite lampe à huile, avec ses vitres fragmentées, envoie des lueurs hésitantes qui éclairent et morcellent la scène. Il y a une grande table avec des chaises à haut dossier. Le rembourrage est de cuir, un vieux cuir craquelé et tout poussiéreux. L'odeur de poussière accumulée par les ans s'ajoute à celui de la moisissure. Et il y a une couronne de cuivre, celle qui ceint le chef des rois des moissons, qui gît sur le sol dans la poussière. La poussière qui a été foulée récemment et qui est en plaques moins épaisses. Et devant vous, trônant sur la table, au-delà du passage noir de racines qui vous a plongé sur les marches sans fin qui vous ont mené dans cette salle obscure, avec les bouches qui s'ouvrent sur les racines de l'arbre. Table, une créature étrange se tient debout et vous regarde de son regard absent, tout entière couverte de petites dents jaunies de tous les enfants de votre village qu'elle a mangé au cours des ans. Elle ouvre une bouche béante, noire et fétide, qui sent le vieux chou, le navet et le champignon pourri, la veste de loup. Un nuage de spore se disperse vers vous. Je vais dire la bouche à l'eau. Avec quel mot de pouvoir ? Sans mot cette fois-ci. Sans mot ? Tiens. Ta flèche bondit dans les airs et se noie dans le nuage de spore pour aller dans la gueule démesurée qui vous aspire, vous happe, et vous vous trouvez dans un corps moite, gluant. Vous êtes au-dedans du dentophage. Tout englué, ça colle de partout. C'est gluant, ça colle, Anatole. Et vous entendez... Ah ! Hé ! Arrête de marcher dessus, toi ! Il y a Léon qui est là. Ça fait longtemps que je t'attends, l'Oscar. T'en as mis du temps. Il m'a volé mes sabots. Et il m'a pris toutes mes dents. Fais quelque chose. Comment je vais pouvoir rire aux plaisanteries que je fais sans mes dents? Un grand coup de ta lance et tu mets toute ton énergie dedans. Alors, c'est un jet difficile. Est-ce que tes amis peuvent te prêter main forte et aussi percer le bidon du dentophage? Moi, je pèse pour le percer. Alors, j'ai ma lampe, d'accord. Oui. La lampe. Logiquement, si c'est l'huile, j'ouvre simplement le verre et puis je peux faire s'embraser la créature de l'intérieur. Ah, et si elle avait un rouchement de panse terrible et qu'elle vous régurgite? Vous seriez tous libérés et ça libérerait toutes les dents et les enfants du village. Tu voulais faire quoi du coup, Miroir? C'est une brillante idée qu'Eliphel a là. Est-ce que tu renonces à percer le ventre et picoter durement le dentophage? Eliphel, mets-tu ton plan à exécution? Oui. Pour que ça porte, puisqu'il y a prodige dans ce bidon, pour qu'on puisse t'appeler Eliphel, le Napoléon qui a crevé le bidon de Léon. Non, je ne veux pas ce titre. C'est un jet difficile et tu investiras 2 points de magie. C'est quelle compétence? Charmeur. Charmeur. Tu réussis! Et donc, dans un grand gargouillis, un rot sonore, vous êtes expulsé du ventre de la créature. Vous retrouvez pêle-mêle au pied du sol. Il y a une vieille femme qui toussote dans ses nippes. Elle a rendu sang et eau, elle vomit ces vomissures vous entourent. Mais tout autour de vous, il y a tous les enfants disparus depuis que Ténébreuse grandit. C'est donc toi ? Vous avez vaincu mon ombre, dit-elle d'un sourire édenté. Ce n'est plus la jeune sorcière que vous aviez vue auparavant. Vous m'avez libéré du pouvoir de Ténébreuse. Ses yeux sont devenus tout blancs comme du lait. Mais elle n'a plus de dents. Aide-moi à recouvrer la liberté. Libère-moi. Allons jusqu'à Libre-Bourg tous ensemble. Ok. Ainsi s'achève cette histoire de Léon et du bidon crevé par Napoléon Eliphel. Et ouais, t'auras le titre quand même.